À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Youssoupha. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Youssoupha, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est déjà la troisième soirée dans ce Planet Rap incroyable. L'album Négritude est dans les bacs depuis lundi et Youssoupha est là. Comment tu vas, Fred? En chair et en os et en voix. Et en vivant et en forme. Direct, comme dirait Jackie. Et t'as intérêt d'être en forme parce que ce soir, concert direct. Hein. Concert direct à Nanterre. Direction Nanterre juste après l'émission. Exactement, pour un concert, l'un des premiers, si ce n'est le premier, depuis que l'album est sorti, donc lundi. Bon, tout va bien, tu es bien entouré ce soir. Hein. Ouais, aujourd'hui il y a du beau monde, tu vois ce que je veux dire. Un plateau calme. Mais apaisant, tu vois. C'est bien aussi de temps en temps, non? C'est bien tout le temps en fait. C'est un bon geste. On va garder ça, oui, c'est le geste positif. C'est le geste positif en effet. C'est pas très Mannschaft ce soir. Mais on a d'autres soirées pour ça. Ouais. On nous reste encore tranquille jusqu'à vendredi. On fait les présentations maintenant, Youssoupha? Je vais laisser tout le monde se présenter comme des grands parce que franchement, ils ont Ah non, ça. Attends, est-ce que je peux faire. Voilà. Ouais, non, est-ce que je peux faire le tour de table au moins? Vas-y. Alors, on va commencer par quelqu'un qu'on connaît bien. Ouais, qui m'a accompagné. Personnellement, j'aime beaucoup, qui t'a accompagné. Sur un gros titre. Qui te connaît. Bien, oh, les jeux de mots. On se connaît tous. Qu'on nous a jamais fait du tout. Non, c'est le truc. On nous l'a jamais fait du tout. C'est le truc que personne ne fait jamais. C'est bien entendu. La Miss Aïna qui est là avec nous. Comment ça va, Aïna? Bonsoir, ça va et toi? En pleine forme? En pleine forme. Hein. Content de te retrouver. Hein. Ouais. Content pour Aïna qui je l'ai vu aussi parce que, bon, Aïna a une grande spécialité, ça on n'arrête pas de le dire dans le Planet Rap. Elle envoie constamment des photos sur les différents réseaux sociaux. Tiens, qu'est-ce que j'ai bouffé des œufs ce midi? Hop, voilà, je l'envoie. Les tweets et les photos Instagram. Quand même, inutile. Non, mais c'est inutile à mort. Mais Fred, il parle, il est même pas sur les réseaux. Mais il le sait. Mais moi, je suis sur les réseaux, je sais. On sait. Mais en tout cas, non, les dernières images que j'ai vues de toi, c'est une excellente signature, tu viens de signer, ouais. Et pour ça, bravo Aïna, merci beaucoup. C'est gentil. C'est quoi ta maison? C'est Mercury. Ah bah là, ça rigole pas. C'est Mercury, ouais. Moi, je suis toujours en indépendant, je suis quand même le pionnier du label. Ouais, je tiens à rassurer quand même, il y a plein de personnes qui me demandent sur les réseaux, je suis toujours chez Beaumail, il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup, faut pas s'inquiéter. C'est ce qu'on appelle dans un terme technique une licence. Voilà, c'est nous qui produisons et c'est Universal qui va le mettre dans les bacs. Qui va être dans, qui va filer la force d'Universal. Mais n'empêche que sur Aïna, il y aura plus de budget que chez moi et moi donc je suis jaloux parce que c'est Aïna, je te jure, elle a des stylistes, des maquilleurs, des trucs que j'ai jamais vu de ma vie. Ça se voit, c'est plus la même. Ça se voit. Un truc horrible, tu sais. Non mais grave. Ça se voit. Elle a changé. Non mais grave. Sur les tournages de ces clips, il y a des gens qui rapportent du café, il y a des trucs. Ah ouais. Ça change de chez Beaumail. Ouais, non, moi c'est moi qui fais le café. En fait, c'est toi qui fais le café, qui apporte et qui tourne. Exactement. Donc chance à elle et voilà, on croise les doigts et on va en parler évidemment ce soir. Mais là, non, on en était aux présentations, nous emportons quand même pas trop, hein, parce qu'il y a Aïna et il y a aussi du monde. Il y a Madame et Monsieur. J'espère qu'avec la voix, vous allez reconnaître qui est Madame et qui est Monsieur. Voilà. C'est de la Bonjour, radio. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Comment ça va, Madame? Comment ça va, Monsieur? Madame, Monsieur? Ça va très bien, merci. Alors, un petit mot quand même, Youssoupha, parce qu'on connaît Émilie qui fait partie de l'album, hein, de cette aventure. Exactement. Mais c'est un groupe avant tout, Madame. C'est un groupe et au fait, c'est parce que j'ai écouté une maquette d'un titre qu'ils avaient fait. Que tu nous as même dit que tu as braqué le morceau. Clairement. En début de semaine, tu as dit j'ai braqué le morceau. Hein. J'ai écouté, c'était le genre de. On parle du morceau Smile. Mm. C'est un genre de couleur que j'avais pas dans l'album, avec une couleur après laquelle je courais parce que je voulais quelque chose, voilà, d'un peu aérien, comme ça et tout. Et j'avais pas ça dans l'album. Et quand Medellin m'a fait écouter ça, j'ai dit c'est ça. Et il m'a dit, ouais, mais c'est un morceau de Madame Monsieur. J'ai dit, j'en ai rien à foutre. Ouais, clairement. Madame Monsieur en plus. Ouais, non. Et de Madame et de Monsieur. Et monsieur, c'est vrai. Non, mais morceau magnifique. En tout cas, c'était, voilà, j'avais écouté un refrain avec des arrangements et tout. Du coup, on a dû le restructurer pour que, voilà, moi, je puisse m'y placer. Mais en tout cas, c'était remarquable et ça donne le morceau. On se connaissait pas avant, parce que ça revient souvent. Mais on se connaissait pas. C'est pas. Autant Aïna, elle est de mon label. Eux, ils sont pas de mon label. Mais c'est. Coup de cœur musical. Voilà, donc kidnapping de chansons. Prise d'otage. Ouais. Ça va bien? Tout le monde va bien. Donc il y a Émilie. Alors, qui est dans le groupe? Qu'on arrive à savoir. Donc, Émilie, toi, ça va. Je reconnais ta voix. Et dans le groupe, il y a. Et moi, c'est Jean-Carl. Jean-Carl et Émilie. On écrit les chansons tous les deux. Et voilà. Ouais, vous êtes un groupe, on le disait, avec Youssoupha, plus électro-pop. Ouais, en français. En français, ouais. Mmh.

Non, ça, j'ai envie de le faire. On a juste le titre, ça va s'appeler Infinity Blue. Et ça me rappelle quelque chose, ouais, de bizarre. Hein. Mais c'est un très bon titre. On a trouvé ça là il y a 10 minutes et voilà. Mais on peut pas en dire plus. Voilà. Voilà. Mais on est sûr du titre. On est sûr du titre. Oui, il va nous piquer tous nos morceaux. C'est du tout. T'es braqueur, t'es. Ah, le mec braque tout, quoi. Mais c'est signe de qualité, c'est ouais, voilà. Et ben, qu'est-ce que vous connaissiez d'ailleurs, Émilie, Jean-Carl de Youssoupha? Vous aviez écouté un petit peu ce qu'il faisait? De c'est... qui de... Je ne connais pas. Ouais, du mec qui sort un album qui s'appelle Négritude. Moustapha. Moustapha. Qu'est-ce qu'on connaissait? On le connaît grâce à ce cher Zemmour, qui c'est grâce à lui en fait, c'est lui qui nous a présenté Youssoupha. Tu vois, comme quoi, Eric, comme qui a servi vraiment à quelque chose. Il y a pas meilleur comme attaché de presse. Attends, tu t'es plaint, machin, menace de mort, etc. Au final, merci Eric. D'ailleurs, je l'ai pas bien payé. Mais c'est vrai qu'on a découvert principalement avec ce morceau, et on s'est dit waouh, le gars il a quand même une bonne répartie, il est capable, quoi. Et du coup, on s'est intéressé. T'entends, c'est ce que j'aime, tu sais, dans les groupes électropop, c'est au lieu de dire putain, le mec a des couilles, c'est il a une bonne répartie. Ça change du tour de Planète Rap. C'est vrai, ça élève un petit peu, c'est bien. C'est bien. Non, ouais, c'est évidemment ça. Et puis Indila, tout ça, bien sûr. Ouais, morceau important aussi, celui avec c'était gros, ça. C'était... Sinon, le rap, ça fait partie aussi de votre culture, je suppose. Évidemment, il y a forcément des choses qui vous touchent, alors peut-être plus sur le côté ricain ou... Ouais, vas-y, tu veux en parler, toi, peut-être. Le rap, ouais. Ah, ça a l'air d'être un dossier, le rap. Ça a l'air d'être un dossier. Je pense qu'il faut peut-être passer à une autre question. Tu veux assumer, toi? Tu veux le dire, toi? Tu veux dire un mot sur le rap? Vous travaillez avec Ménélite déjà, donc. Bien sûr. Vous êtes déjà un peu dedans. On est grave dedans, jusqu'au cou, là, maintenant. Non, bien sûr, le rap, mais oui, principalement. Le rap US, oui, principalement. Moins le rap français. Sauf Youssoupha, évidemment, oui. Sauf des gens comme DC's, comme Tito Prince, des gens comme des gens avec du texte, a priori. Exactement. Voilà. Ça aide des fois. Ça aide. On prend des procès quand même, mais ça aide. Voilà. Ah bah c'est tout, ok. Bah. Ouais, non, mais c'est bien. C'était passionnant, le rap. Hein. T'es sûr que tu veux garder le titre de l'émission? Passons à autre chose. On reste sur Planète Rap, c'est sûr. Et toi, Youssoupha, l'électro-pop, le c'est une musique qui touche. Ouais, plus avec du texte quand même. Non, ça peut me toucher, mais j'en écoute un peu, mais pas sans plus. En fait, ce qui m'arrive, ce qui arrive à moi, oui, mais après, je me plonge pas assez dedans. C'est pas... Tiens, alors, Youssoupha, si tu devais faire découvrir un morceau à Madame Monsieur, imagine, c'est la première fois où tu les rencontres. Vous ne connaissez pas, vous n'avez pas fait de morceau, vous n'avez rien fait ensemble. De l'album, qu'est-ce que tu... Tiens, en disant, moi, je suis un mec qui s'appelle Youssoupha. Exactement. J'écris plutôt bien. Ouais, j'écris très bien. J'écris même très bien. Ah, divinement bien. Quel morceau on pourrait mettre maintenant? J'allais dire la Mannschaft. Mannschaft, ouais, très bon. Chanson française. Bah voilà. C'est très bien. C'est très très bien. Très bon choix. Comme ça au moins, cours de rattrapage sur le rap français immédiat, express, en 3 minutes. Allez, c'est parti. C'est dans les bacs depuis lundi. Back Harry Potter. Yeah. Check 1-2. Nodé à la prod. Check 1-2. C'est ça même. Yeah. Ce putain de rap on néglige mais il avance. Et n'écoute pas les aigris qui viennent te dire qu'il était mieux avant. Ça devient du pur vice. Comme dit Alpha, je rappe sur le rap parce qu'à cause de lui je n'ai plus de vie. MC ne teste pas. Pourquoi tu veux que la France respecte le rap puisque nous-mêmes on ne le respecte pas? Faut pas qu'on reste calme. Méga bouge, toute ma carrière je la dois au ménage à trois et à Diable Rouge. Attends Nodé. Viens on se fait un vrai couplet de rap français, t'as allé ouf. T'en dis quoi? Ouais, de toute façon, fais ce qui te plaît, hein. Le même amour, mais pas les mêmes pots. On court le même tempo. Congo Kinshasa, Africa, represento. Notre horizon est toujours vide. Je garde la vision. On dit que le rap est mort, sans remords. J'essaie de toujours vivre. Grandir, sans peur, c'est dur. Mais j'ai visé le top. Je suis tellement aiguisé, je te braque. Même pour du top. Personne comprend les codes à part mes acolytes. Nique le proc, nique le protocole. Nique la police. Impoli, garder de la frappe. On fera tout pour. Dis-leur que ce putain de rap sera toujours une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. C'est ça, pour des millions. Arrive un peu comme une rébellion dans le milieu. On est à milieu d'un modèle qui s'en va. Pour certains, c'est mortel. moi Hamdoullah Sava. Mais on se rejette la faute quand tout part en couille et que c'est gore hardcore. Comme reconnaître cette fois. C'est pour les gros durs et les familles, les orduriers et les famines, les torturés, les fortunés, les gosses durs et les gamines. Les victoires de la musique, c'est pété, c'est pas les Grammys. Ici, c'est toujours autour de la cité que l'on gravit. Chaque quartier compte son QG, c'est ghetto. Si jeune en mandat dépôt, le poids sur les épaules, les mauvaises peaux, on connaît. On a traversé le même mal, fais pas ta resta. Car si jamais on prend le mic, j'pète la capsule avec mes riffs de Dakar. Putain, quel rap de crapule. Putain, quel rythme de bâtard. Putain, quel rythme de barbare. Essaie de nous stopper si tu veux, où tu veux, Renoir. Ok, écoute-moi. J'fais mon job à plein temps. J'gratte des couplets de barge depuis presque 23 printemps. Ça commence à faire long, tout ce temps passé dans l'arène. J'vais sûrement arrêter le rap avant que le rap m'arrête. Chanson française, c'est nous la chanson française. On kiffe comme des gosses frérot, Nodé. Je kiffe comme un gosse frérot. Chanson française, une spéciale pour ceux qui font la suite. Esprit Noir, Mister C, la DA, Abdallah, Alivor. Pour ceux qui font la suite, Josma, Tito, Ami, Nord, Fianz. Une spéciale pour ceux qui font la suite. Alpha, Val, Radio, J-Way, MZ, Dino. Une spéciale pour ceux qui font la suite. Future génération, Goebbels, Nasa, Zekoui, Black Pan, Left, Shy, Giorgio, Lisa, Siana, Big Flo, Oli, Ice, Lemsi. Youssoupha, c'est extrait de l'album Négritude, ce morceau qui s'appelle Chanson française. C'est un des morceaux qui revient. Je vois beaucoup de messages en disant beaucoup, ouais. Passer Chanson française. Et je vais rejoindre aussi Kevin. Kevin, c'est un des mecs qui a posé une question sur l'appli de Youssoupha. Ouais. Vous pouvez poser des questions toute la semaine. Vous allez télécharger l'appli, hein, sur. Il y a des gens de l'appli d'ailleurs qui sont derrière moi. Qui juste. T'as vu comme quoi l'appli est réelle. L'appli est aussi réelle. Ce n'est pas que du virtuel. Ce n'est pas que des gens comme ça, des numéros ou quoi que ce soit. Et il y a donc Kevin qui a posé une question via l'appli de Youssoupha qui parle de ce morceau justement en se demandant comment tu avais écrit le texte de Chanson française et surtout est-ce que tu as choisi les morceaux à sampler avant ou après avoir écrit le texte? J'étais obligé de choisir avant parce que mine de rien si jamais j'écris et que la phase elle colle pas bien, ça allait pas fonctionner. Donc j'ai déjà fait un gros travail d'au moins 2-3 jours à récupérer des acapellas parce que je voulais pas tricher. C'est que des acapellas ou des bonbons d'acapellas. Il n'y a pas de scratch. Il n'y a pas de ouais la personne elle est venue reposer en studio. Non, c'est que des voilà des fragments comme ça de morceaux de rap qui ont marqué le coup. Mais après c'était assez relou à faire comme titre donc j'ai arrêté 2-3 fois, je me suis dit vas-y. C'est pour ça qu'il ne fait que 3 minutes en même temps. Ouais, non mais grave. Mais parce que je voulais le faire bien et je voulais que c'est l'air d'un rap spontané comme si les gars étaient venus en studio alors qu'ils sont pas venus. Et je vais pas mentir, c'est le morceau sur lequel c'est l'un des morceaux sur lequel on a le plus de retours. Clairement, les gens m'en parlent tous les jours. Et je pense que c'est celui qui tire l'album vers le haut aussi. Non, je suis content. Bah, non, c'est un super morceau. En plus, pour moi, il va aussi dans une lignée, bah, comme Diams avait fait mon rap à l'époque. Ouais, exactement. Il va dans une lignée de certains morceaux comme ça, qui rend hommage au rap français. Ouais, comme Bacar l'avait fait aussi. Ouais, Bacar aussi avait fait ça. Et c'est par rapport au passé du rap français, mais aussi par rapport au futur. Je suis un peu saoulé par les bails de le rap, c'était mieux avant. Donc, moi, je suis inspiré par le rap d'avant, c'est normal. C'est avant que je l'ai découvert. Mais après, il y a des jeunes gens que je dédicace à la fin du morceau, qui viendront sans doute vendredi dans l'émission. Parce que pour moi, en fait, en vrai, maintenant, je commence à réaliser qu'on commence à être un peu des anciens. Tu vois, et qu'il faut faire le passage de relais déjà. Exactement, il ne faut pas être aigri en disant ouais mais les jeunes qui font, les petits, t'as vu, c'est pas terrible, moi à mon époque. À ton époque, c'était ton époque, frère. C'est, voilà. Et du coup, voilà. Je crois beaucoup aux jeunes gens. Il faut leur faire confiance parce que nous, on nous a fait confiance et voilà, on en est là. Et ben, on va aussi, dans un instant, revenir et continuer à parler de cet album. Saluer aussi Madame, Monsieur qui sont là avec nous. Aina, ouais, qui est là aussi avec nous. Il y aura un live de Smile à la fin. Ça vous a plu, Madame, Monsieur? Je vous ai même pas fait réagir sur le morceau. C'était pour vous le morceau, ouais, en plus. Hein, Bah ouais, grave. Mais de toute façon, on adore l'album en entier. Hein. Il s'écoute d'une seule traite, hyper bien. Et voilà. Et moi, j'ai l'impression que les gars ont été briefés pendant le titre. La mauvaise foi. Ouais, c'est ma mauvaise foi légendaire. Moi, j'adore Salam. J'aimerais bien l'écouter pour l'émission. Une demande. Alors, est-ce qu'on la met après la pub, par exemple? Si je veux, déjà. D'accord. Si tu veux. Non, mais demande de Madame Monsieur Salam. Alors. Salam. Et bah, très bien. Salam alaikum, Jean-Car. Salam alaikum, tout le monde. Jean-Car, il faut répondre. Salam. Voilà. Bougez pas dans un instant. On revient avec Youssoupha. L'émission rap de référence. Planète rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, en direct avec Youssoupha sur Skyrock. Hey. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Youssoupha pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Youssoupha. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Youssoupha Négritude. L'album est dans les bacs depuis lundi. Ce soir, Youssoupha est en concert du côté de Nanterre. Je sais pas s'il reste des places, si on peut les choper sur place encore ou. Alors, je saurais pas te dire parce que je me suis pas renseigné, mais allez-y quand même. Allez faire un petit tour. Allez faire un petit tour. Si vous êtes sur Nanterre. Ça vaut la peine. En tout cas, en plus, j'ai de la demande pour les concerts en région parisienne avant les années du 10 novembre. Hier, on parlait des concerts. Hier, mardi, on parlait des concerts. Et là, aujourd'hui, venez découvrir ça à Nanterre. Loupez pas ce soir. Je serai sur scène, allez, dans 15 minutes après le live. Ah ouais. Je fonce. Ah bah maintenant, en plus. Taxi, moto, tout ça, la totale. Et avec les motards qui ouvrent, même d'ailleurs. Exactement. Maintenant, j'ai changé, tu sais, ma vie. Maintenant, j'ai un cortège. J'ai des gyrophares. On vient de chercher à la radio. Ouais, grave. Avant, on venait me chercher par des gyrophares, mais pour des mauvaises raisons. Mais là, maintenant, on vient de chercher. Pour des bonnes raisons. Voilà. Bon, Youssouf avec nous. Aïna, qui est là. Madame Monsieur, c'est un groupe qu'on découvre aussi ce soir entre 20 et 21. Et par téléphone, je vous présente, c'est KRM de Malakoff. Salut KRM. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va Fred. Comment ça va à Malakoff 92, c'est ouais. Ça? C'est ça, exactement. Haute-Seine. Tu connais. KRM, tu viens faire un freestyle par téléphone dans ce Planet Rap de Youssouf. On y va? C'est ça. Oh, avec une instru. Que je connais bien. Qui m'a dit quelque chose. Ok. Ok. 1-1. KRM 92. Yeah. Malakoff, ça fait. Hey, ton cerveau est à sec à cause des bombes, tu devrais jeter l'éponge, cousin, avec ma vie, c'est pas avec un ciseau que je couperai les ponts, regrou, les cons en tir de précision, on est bon FAL, vise ta poitrine pour voir si t'as bon fond, écoute, et mon pote, on fait de l'improvisation, c'est pour Youssoupha, t'as bien compris, on rentre de l'action. Et ouais mon pote en direct de Skyrock, et qu'est-ce qui se passe? Et oui t'as bien compris, on arrive et on veut le jackpot. Ouais, on improvise, c'est le end of the week, qu'est-ce qui se passe? Et oui mon pote, on rappe sous gros joint de weed, c'est pour geste lude par. Qu'est-ce qui se passe? Oui j'arrive, ça vient tout droit du 9-2. Oui mon pote, on représente toujours autant. Qu'est-ce qui se passe? Oui mon pote, 92, KRM compétent. On a les compétences pour venir les gifler. 2015, Ray sur YouTube, on est venu chiffrer. On s'en tape les couilles du nombre de vues. Ouais mon pote, on arrive, t'as bien compris. Ce soir, le tir, on dévie sur les faux ennemis. Qu'est-ce qui se passe? Oui j'arrive, ouais, que les faux MC restent assis. Oui monsieur, on déboule la prestation. Qu'est-ce qui se passe? On a un pro, on fait pas d'arrêt. Mais les MC on les bloque. Oui mon pote, écoute bien qu'elle les bloque. Oui mon pote, on vient juste lâcher ça. Oui t'as bien compris, j'en place une pour le poteau Youssoupha. Négritude toujours dans les bacs. Qu'est-ce qui se passe? Et oui mon pote, en improvisation, personne fera mes bacs. J'en place une à ton un coup, Philémon. Oui t'as bien compris, ce soir rayon a le démon. L'instru je la démonte, le talent je te le démontre. Qu'est-ce qui se passe? J'improviserai le temps l'aiguille d'une montre. Qu'elle fasse le tour, mon pote rageux comme un vautour. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive et puis je crame votre tour. On s'en tape, mon pote on improvise. Qu'est-ce qui se passe? La tête des faux MC, Ray, je vise. Ah ah! Hey, je pense qu'il a honoré l'instru. Alors, hein, franchement, là, j'applaudis. Franchement. Hey, en fait, j'applaudis parce que tu es capable de faire un truc que je n'arrive plus à faire depuis au moins 15 ans. C'est-à-dire que j'ai perdu. Impro. Ah ouais, j'ai perdu les neurones. Et franchement, quand j'écoute ça, je me dis, waouh, je tombe contre toi, justement, au end of the week, frère. C'est sûr que tu finis ma carrière, hein, frère. Mais non, au calme. Je préfère t'avoir de mon côté que contre moi. En tout cas, bravo pour la performance, frère. Merci, en plus, frérot. Tu connais Philémon, tout ça, là, tu connais toute la famille, waouh! Ah, je connais Philémon, je suis un grand soldat du End of the Week, on est partant, on s'était même rencontré sur le plateau de France au oui, oui, c'était, ouais, exactement. Ah oui, d'accord, oui, ah oui, toi, t'es haut niveau quand même, ouais, d'accord, je me disais aussi en t'écoutant, ouais, je me suis dit, ça, c'est pas un amateur, en tout cas, bien vu. T'as deux, trois trucs à annoncer d'ailleurs, KRM, il y a des choses qui se passent pour toi la prochaine? Ouais, Beurre de qualité, c'est un petit EP 5 titres qui sort mi-juin. J'enchaîne après avec un EP en commun avec un beatmaker à moi, Nordino Mook. On sort Fusil à lunettes. J'aime tous tes titres. On aime le travail de précision. J'aime tous tes titres. Nordino Mook, Beurre de qualité. Voilà, Beurre de qualité. Sur Bordeaux en ce moment, donc Kilogramme, Sam's, tout ça, c'est la bonne. On connaît les mêmes gens. Sacré bande de gestion. Et tu connais Sam's aussi? Ouais, toutes mes condoléances, hein, toutes mes condoléances. Je suis désolé, hein, vraiment je suis désolé pour tout ce qu'il fait. Hein. Non, c'est un bon. Là, il est bon. Merci à toi en tout cas, KRM. Pardon? Je te disais merci en tout cas à toi. Ah, je te remercie. Bah, merci à vous. Et vas-y, en tout cas, on soutient. Big up à toi, Youss. Merci beaucoup. Force à toi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser très vite. Ouais, on aura l'occasion de se recroiser. T'inquiète, frérot.

C'est Youssoupha et l'album s'appelle Négritude à l'instant avec ce morceau. Ah, il est bien celui-là. Il est bien celui-ci. Ouais, bon choix, bien. Très bon choix. Très bon choix. Non, Jean-Carles franchement, validé. En fait, en vrai, c'était parti pour une émission tranquillement. En fait, en vrai, salam, chanson française. En fait, en vrai, madame, monsieur, ils ont mis la patte à nous. Direct, ouais. Ah, c'est bien. C'est mais bien. Je, en même temps, je comprends, en connaissant un petit peu, après avoir écouté aussi ce que font madame, monsieur. Ouais. Tu comprends aussi que des morceaux comme Salam. Ça peut leur parler. Ça peut vous parler. Ouais, parce que par rapport musicalement déjà, on en parlait pendant que ça passait tout à l'heure. Ouais, bah, je trouve que l'instru est génial, quoi. Il y a vraiment un truc très, très musicien aussi dans ce morceau. Ouais. Et c'est ça qui me plaît, quoi. C'est encore un sample de musique africaine. Ouais. Ouais, qui a bossé sur le son sur celui-ci c'est un gars qui n'est pas connu, qui s'appelle Sluzy, qui habite en Belgique. Là, dans mon album, il y a beaucoup de producteurs comme ça étrangers. Il y a deux Belges, Sluzy et celui qui a produit Entourage qui s'appelle Jibril. Il y a CHI qui a produit 9 titres sur les 16, qui est du Luxembourg, et il y a quelques Français quand même. Il y a Medellin, il y a Naudet qui a fait chanson française. Qui a bossé dessus sur l'album Négritude. Ouais. Pour madame, monsieur, qu'est-ce qui est en sortie là prochainement? Il y a aussi vous bossez durement? On a bossé durement, là on attend impatiemment la sortie du premier EP, d'un clip. Qui s'appelle comment le EP? Je te le dis pas, j'arrête de ça me rappelle. J'avais entendu parler que c'était un titre comme le tien en fait. Ouais, moi je prépare un titre avec Aïda et je sais pas. Infini Blue, c'est ça? C'est pas la même, c'est ce que vous allez sortir bientôt, non? C'est ça qui est sur la réédition. C'est ça que je comprends pas. C'est justement ça que je comprends pas en fait. Au secours! Donc ça arrive prochainement le EP, c'est ça? Ça arrive prochainement, ouais. On devrait sortir notre premier titre qui s'appelle Théorème. Attention, tu nous le pique pas celui-là. C'est mon genre de truc. Moi j'ai des titres comme ça, Irréversible, Memento, Théorème, j'aurais bien aimé. Ah ouais, Théorème, ça, ouais. C'est titre à la Youssoupha, c'est un peu. Ah, je suis touché. Un truc où tu parlerais des triangles, des Illuminati. Des Illuminati, tout ce qu'on est, tout ce qu'on est. Voilà, tout ce qu'on est, ouais. Là, Théorème, c'est une énorme chanson d'amour avec un gros slow à l'ancienne, c'est ce qu'on voulait faire à la base, mais un peu modernisé, on va dire. Et on a fait un clip improbable qui va sortir bientôt, qui est tout le contraire du morceau, vous verrez, c'est assez. Quel mystère! Ça donne envie, en tout cas. Il y a des idées, hein, chez madame, monsieur, il y a des idées. Ouais. Émilie, en tout cas, donne super envie de. Alors, il arrive quand le théorème? Le théorème, il arrive dans les semaines qui viennent. Ouais. C'est encore un d'accord. peu plus. Il faut demander à notre producteur, seul lui le sait. Voilà, on attend. Youssoupha, qui est le producteur du groupe. Je suis le producteur du groupe. Je sais, le gars qui te. C'est pour ça se propose. C'est pour ça que je te demandais. Il écrit les chansons et tous les titres. Non, mais non, mais je. Eh, faut que ça arrive vite, là. Donc, on guettera théorème et. Infini Blue qui est repris gracieusement d'une chanson de moi et Arabe. Tranquille, tu vois, on est. Et Aïda, ça raconte quoi de son bah, Aïda, Aïda en bas genre compagnie. Aïda, moi je sais moi je suis bien avancé, je sais que le 8 juin il se passe quelque chose. Ah ouais? Ouais, début juin, on va dire début juin, mais. Tu m'as dit le 8? Ouais, c'est. Tu peux savoir c'est quoi quand même? Ah merde, fallait pas le que 8, je dise. Non, parce qu'en l'occurrence là c'est vraiment mon artiste en fait. Ah, mais... Non, le 8, non, c'est la date qui est prévue. Et, ah là c'est, voilà, c'est ça, merci Fred. De rien. Et donc c'est le single qui s'appelle Cette vie m'emporte en featuring avec Que Black. Et Que Black voilà, de Boba et Musique. Que Black de Boba et Musique, voilà, qui sera là aussi dans la semaine. Ouais, il va venir aussi. Okay. Si on prend Sabs, on peut bien prendre Que Black. Hein. Ah bah. Après, tout est possible. Je te laisse continuer. Oh, je préfère Que Black, moi. Ouais, bah oui, moi je préfère Que Black aussi. Ah, putain, il va être dans un bon état. Voilà, chauffez-le bien, tiens. Chauffez-le bien, il va être bien quand il va arriver. Pour les personnes qui suivent aussi un peu l'actualité de Kenji, je ferai sa première partie au Grand Rex ce vendredi 22 mai. Ah, génial! Voilà, j'ai fait 3 soirs avec lui à l'Olympia la semaine dernière et c'était vraiment super. Kenji, hein, pas. Kenji, Ritano. Kenji Ritano. Ritano, oui, quoi. C'est guitare à la verticale. Ah oui, effectivement. Ah ouais, non, c'est... Toi aussi, tu connais les bonnes blagues sur les gitans. calmez-vous, par contre. Tu vas te calmer. Ah, surtout qu'ils sont chauds, hein. Je sais pas si vous suivez sur le net ce qui se passe. Oui, j'ai vu la vidéo là, des 4 mecs. T'as pas vu, en ce moment il y a des clashs entre. Des rendez-vous. Ouais. Rendez-vous entre clans de gitans. Ouais. Ah, mais tu te dis, bon, vaut mieux pas être au milieu. Ah, j'ai pas vu. Mais on te montrera les vidéos. Ah, au concert de Kenji, j'étais allé voir Aïda en première. Non, mais on attend que le grand Rex soit passé quand même. Parce que bon. Non, mais en plus, au concert d'Aïda, c'était très bien. Mais Kenji, on peut dire un mot, parce que c'est vrai que c'est pas quelqu'un qu'on passe forcément ici beaucoup à Skyrock, mais qui est quelqu'un en. En tout cas, qui paraît humainement super. Quoi. Il est super simple et sur scène, il envoie. Hein. Franchement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je l'ai croisé justement lors des concerts avec Aïda. Et quand Aïda faisait sa première partie, trois fois à l'Olympia. Là. Super bon gars. Et puis franchement, super bon public. C'est-à-dire que... S'il y en a qui écoutent, vraiment, je les remercie parce qu'ils ont été super accueillants, super réceptifs. C'était super. J'ai hâte d'y être. Et donc, le 22 mai. Ouais, vendredi soir là. De retour, voilà. En première partie, en attendant donc le 8 juin la sortie d'un morceau. Voilà, 7 vies m'emporte. Et le EP, il arrive quand, Ina, tu sais pas? Ouais, trop on tôt. Va passer à l'album là, lui, je pense, directement. C'est une grande fille maintenant. Ouais, sais. Je pense que l'on peut. Un EP qui s'appellera Théorème d'ailleurs. Théorème-Infini Blue. C'est pour ça, t'es mon gars. C'est fou, non? C'est pour ça, ouais. T'es mon gars. Bon, avant de passer au live, on remet un dernier morceau de Négritude pour ce soir, Youssoupha, lequel? Dis-moi un peu les titres parce que j'ai pas l'album sous les yeux. Manchaf, Niquer ma vie, le score en tout, il y en a tellement qui se. Moi j'aime bien celui où tu délires là, où tu dis mais non mais attends mais qu'est-ce que j'étais en train de faire dans ah, celui-là j'ai pas envie de le spoiler, mais bien sûr. Mais bientôt. Ouais. Ah, ça c'est un titre à la Madame Monsieur, ça. Super. Alors peut-être un choix d'Aina. On a eu Madame Monsieur, donc le choix d'Aina. Le choix d'Aina. Moi j'aime bien Niquer ma vie, non? Mais il est un peu. Il est long, non? Il est un peu plus long. Il est un peu plus long. C'est toi qui m'aides à faire les chœurs dessus. Entre autres. Entre autres. Ah, c'est pour ça. C'est Aïda qui fait les chœurs de Salam. Ouais. Moi, vous savez quoi? Je vais départager. On va mettre Manshaft et on en parle. Ah ouais, d'accord. Putain, bon, il est dans lui. Allez. Non, mais en plus, Manshaft. Planète rap spécial Fred. Ça vous ennuie? Non, mais Manshaft, on l'a écouté lundi. Ouais, mais bon, il fait du bien. Non. Mourir mille fois, Négritude, Smile, Blackout, Manshaft, Niquer ma vie, le score, Entourage, à cause de moi, Love Music, Memento, Maman m'a dit, Point commun, Salam. Maman m'a dit. Ah. Point commun, il est voilà. Bien aussi. Moi, je vais écouter Maman m'a dit. Voilà. Hey, franchement, dans cet album, en fait, c'est un jukebox. D'ailleurs, franchement, merci pour les remontées, parce que mine de rien, je sais pas si l'album va marcher ou pas. On espère, en tout cas, on s'accroche. Pour l'instant, ça se passe bien pour l'instant. Et voilà, mais. Quand même, la joie, c'est quand même les retours positifs que j'en ai. C'est même plus que positif, c'est même très très positif et c'est un truc de fou. Donc merci aux gens parce que je reçois les messages. Je peux pas répondre à tout le monde, mais c'est un truc de fou et cette partie-là, j'ai l'impression qu'elle est réussie. Et voilà, c'est un album de qualité. Je suis fier pour tous les gens qui ont travaillé avec moi. Allez, on écoute le morceau. Maman m'a dit, c'est extrait de Négritude, c'est dans les bacs depuis lundi. Love music. Maman m'a dit tout ce que la vie peut reprendre et redonner. Un jour je me sens trop petit, un jour je suis trop fort. Et Dieu me guide jusqu'aujourd'hui, désormais on se connaît. Dites aux ennemis que je suis béni quand je prends le microphone. Maman m'a dit tout ce que la vie peut reprendre et redonner. Un jour je me sens trop petit, un jour je suis trop fort. Et Dieu me guide jusqu'aujourd'hui, désormais on se connaît. Dites aux ennemis que je suis béni quand je prends le microphone. Je gagne ou je perds, au moins j'aurais pris des risques d'homme. Plus rien ne me ramènera ma mère, même pas des disques d'or. Je suis noir, jeune, ambitieux et je vais changer la donne. Quand je roule en gros polide, on pense que je revends de la drogue. J'ai devant, c'est la prod. Refrain calme, plus je touche le sommet, plus ma chute aura des effets graves. Fais gaffe aux flatteries de tes sauces. Le feu qui finit par te brûler est souvent le même feu avec lequel tu te chauffes. C'est lesquels qui te causent, c'est lesquels qui te saucent. Et si ma vie repart en vrille, c'est lesquels qui se sauvent. Je gagne ou je perds, au moins j'aurais pris des risques d'homme. Plus rien ne ramènera ma mère, même pas des disques d'or. Maman m'a dit tout ce que la vie peut reprendre et redonner. Un jour je me sens trop petit, un jour je suis trop fort. Et Dieu me guide jusqu'aujourd'hui, désormais on se connaît. Dites aux ennemis que je suis béni quand je prends le microphone. Maman m'a dit tout ce que la vie peut reprendre et redonner. Un jour je me sens trop petit, un jour je suis trop fort. Et Dieu me guide jusqu'aujourd'hui, désormais on se connaît. Dites aux ennemis que je suis béni quand je prends le microphone. Fils unique par ma mère, pourtant je ne suis pas seul. C'est de l'amour que je ramène, le calme quand ça gueule. Y'a forcément ceux qui m'aiment et y'a ceux qui m'en veulent. Moi j'essaie de décrire des arcs-en-ciel à des aveugles. Je fais pas ça pour le fun, faut pas que je parte en vrille. Me jeter pas de fleurs, j'suis encore en vie. Le cœur endommagé, si les rageux me voient marcher sur l'eau, ils diront que c'est parce que je ne sais pas nager. Mais désormais je ne suis plus apeuré, car on voit mieux certaines choses avec des yeux qui ont déjà pleuré. Je gagne ou je perds, au moins j'aurais pris des risques d'homme. Plus rien ne ramènera ma mère, même pas mes disques d'or. Maman m'a dit tout ce que la vie peut reprendre et redonner. Un

Ah oui, ah, moi, comment j'aime les filles. Alors là, elle est pénétrante avec les filles, c'est frère. Ah, c'était rien, magnifique. Voilà, c'est... Avec une petite incruse d'Aina quand même. Ouais, grave, tu vois ce que je veux dire. Okay. Avec une petite, petite touche d'Infini Blue, tu vois ce que je veux dire. Elle a mis sa petite touche petite de théorème. Touche, exactement, parfait. Non, ah, mais bravo en tout cas, bravo Émilie, bravo, bravo madame, tu vois, bravo monsieur. Ouais, oui. T'as vu Émilie quand elle chante tout à l'heure, on le voyait pendant, les, pendant qu'on préparait le son, c'est, t'as l'impression, mais c'est le CD, c'est comment. Ouais, en plus, avec une espèce de facilité. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Truc énervant. Non, mais c'est, elle peut faire son Scrabble ou son Sudoku. Ouais, et puis chanter. Attends, tu es sur B6. Non, en tout cas, impressionnant. J'ai des gens de talent autour de moi. Très bon choix, très bon choix, en effet. Bravo, Youssoupha. Et on rappelle que ce morceau, évidemment, Smile, est sur l'album Négritude. Merci d'être passé, en tout cas, mesdemoiselles, messieurs. Merci. Et petite précision, c'est bien que le clip Smile tout à l'heure. Ah, ah. Le clip Smile tout à l'heure. On l'attendait. Ouais, exactement. T'es pas au courant, même personne n'était au courant. Ah. Mais il vient d'être tourné à l'instant. Ouais, on l'a tourné pendant la pub. On vient de le tourner. C'était donc très bien. Non, le clip Smile, voilà, je crois qu'il a déjà commencé à tourner un peu en télé et les gens étaient tristes un peu parce qu'ils disaient, ouais, mais il n'est pas sur le net. Il est sur le net. C'est fait. Voilà. Tout à l'heure, là, sur les Facebook, Twitter de Youssoupha, connectez-vous, le clip Smile. Et merci donc, madame, monsieur. On attend donc le projet, normalement, merci. S'il ne change pas de nom. Hein. Ah non, écoute, on va le déposer en sortant de l'émission parce que je pense que. Ouais, il y a quelques rapaces autour. Ouais. Et donc, un premier morceau de théorème qui arrive là dans les, ouais, dans les semaines qui viennent. Exactement, je disais ça, oui, c'est ça. Et bah, confirme. Merci à vous d'être passé, Aïna. Merci. On te retrouve peut-être d'ici la fin de semaine ou en tout cas au plus tard le 8 juin. Je vais passer. Au plus tard le 8 juin, ouais. Avec un nouvel extrait. Le single Cette vie m'emporte avec Que Black. Avec Que Black. Et moi, bah, je cours à Nanterre. Pour mon concert. Juste avant, on fait tourner rapidement la roulette. Rapidement. Skyrock t'offre le Manax Fury Road au ciné. Pour toi et 4 personnes de ton choix. Survivre. Benjamin de Miramas, ça va bien Benjamin? Ouais, salut, ça va, salut, tout. Ouais, la musique elle fait peur un peu. Ouais, c'est... Ouais. Je crois que je me suis planté en la mettant très fort. La vie doit, la tête. Benjamin, tu es prêt à faire tourner la roulette, on y va? Je suis prêt. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et Benjamin fait peur aussi avec. Ouais, ouais, exactement, mais tout le monde est en mode Mad Max en fait. Et en plus, avec la voix qu'il a, il est entraîneur de hand, Benjamin. Ah ouais. Donc, toi, Benjamin, quand tu gueules, on doit t'entendre en fait. J'ai pas envie de l'avoir en embrouille, le Benjamin. Mais ça va, je suis pas méchant, ça va. Allez, 5 places de ciné pour aller voir Mad Max Fury Road, nickel, c'est pour toi, bien. Benjamin, du côté de Miramas. C'est ça. Ah, il faut que c'est moi qui ai trafiqué la roue pour toi. Il faudra que t'ailles pêcher l'album, frère. Ben, d'autant plus, je le ferai, promis. Merci beaucoup, frère. Merci pour le soutien. On te pousse un peu, mais soutien quand même. Youssoupha est trop fort là-dessus. Grave. On te pousse un peu, sinon on envoie des potes. T'inquiète pas. Ça va. Ouais, ça va. Je ferai ça. Merci, Benjamin. Ouais, vas-y, on t'écoute. C'est une dédicace déjà à tous les handballeurs de France et à tous ceux qui me reconnaîtront et surtout à ma famille. Et il est où ton club, toi, Benjamin? Il est à Miramas, à côté de Salon de Provence et Istres. Et Istres, d'accord. Et Istres qui est en LNH à l'heure actuelle. Et bonne chance à vous. C'est quoi les prochains matchs? Vous rencontrez qui, là, les gars? Non, là, c'est saison terminée. Ah, saison finie. Pour la saison prochaine. Et bon courage pour la prochaine saison. Merci bien. Salut Benjamin, merci Youssoupha. Merci beaucoup. Demain tu seras là entre 20 et 21. Exactement, t'as vu hier juste après le concert, juste après le Planet Rap, c'était le concert où Ismaël comme au Bataclan. Ce soir c'est Nanterre direct. Ça n'arrête pas, mais c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et merci encore du soutien parce que je vois que l'album il est en haut et qu'en plus vous dites qu'il est de qualité, donc je suis très content. L'album c'est Négritude, il est sorti depuis lundi. Merci à Aïna, merci à Madame Monsieur et merci à vous tous. Merci. Il est grand temps de retrouver maintenant, c'est l'heure de la radio libre avec Difool et toute l'équipe. C'est parti l'équipe. L'équipe est là. On est parti jusqu'à minuit, là sur Skyrock. Merci Fredo, merci Youssoupha. Le rendez-vous c'est demain. Demain 20h-21h pour le Planet Rap, la suite jusqu'à vendredi. Et l'album de Youssoupha à découvrir. Et un son à écouter tout de suite sur Skyrock pour démarrer cette soirée, c'est Wiz Khalifa avec See You Again. C'est mercredi, le jour du ciné. Mad Max Carton dans les salles, on aura des places à vous filer. Fast and Furious, c'est la BO que vous avez découvert sur Skyrock. Et bien un extrait de la BO de Fast and Furious pour démarrer Wiz Khalifa avec See You Again. Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez. Si vous êtes allé voir un film, vous pouvez nous dire. Si vous avez un coup de gueule à pousser, vous pouvez nous dire. Si vous avez besoin d'un service aussi, 01 53 40 30 20 20h51 en direct sur Skyrock jusqu'à minuit. C'est parti pour la radio libre. Coup d'envoi dans un instant avec Wiz Khalifa. A tout de suite tout le monde. C'est la pub. Et après. Sur Skyrock.